R.I.Z.J.O.R. La Smala, génération nouvelle. Je rappe discredo, rien à foutre de la street crédit. Ça roule des gros bédos, donc ça se passe comme je l'ai prédit. Dès que j'ai de la thune, je m'arrache, j'investis dans l'immobilier. J'arrête le rap histoire de me faire oublier. Merde, je confonds mes rêves et la réalité. La vérité, je me fais des films depuis la maternité. Pote, je crois que tu sais ce que l'excès ça génère. Ici, on fume tous, même les sexagénaires. Infernal, y'a pas que les trains qui déraillent. Certains mômes lâchent l'école pour aller sniffer des rails. Tu veux de la maille, j'en ai plus un. Avant de venir au studio, j'avoue, j'ai bu. Je suis rongé, ne vous approchez plus. On se décide, freestyle sur du 45 scientifique. C'est pour ma clique, pour ma sma, la section anti-flic. J'mors sur ma chic, parce que dans ma poche, j'ai pas de fric. J'dépouille les schnapps comme les Belges ont pillé la fric. Faut arrêter de se plaindre, ce coup-ci, c'est de la phase B. Y'a pas d'histoire sans fin, connard. J'viens pas feinter à chacun ses principes, sa façon de penser. Elle sort, t'as slap ton slip, mais son front pas dans. C'est abusé, comme toutes ces vides brisées. J'nique ta mère, puis j'démarre comme une fusée. Toi-même tu sais, les faux MC faut l'illustrer. R.I.Z.J.O.R. c'est juste deux gars frustrés. Y'a un truc dans la tête qui sont loin d'être kiffants. Votre respect je l'aurais peut-être, mais sera pas en suçant. L'écart se creuse, j'peux rien y faire, tout le monde est différent. J'connais toutes sortes de somnifères, mais l'absinthe c'est violent. Admet, faut pas traîner dans le périmètre. Fainéant mais actif quand faut s'y mettre. J.O.R.G.I.O. le blaze à 6 lettres. Big Cell Sud, mec, je me dois d'y être. C'est fait le carré corde, spot. C'est comment on se comporte. J'ai la rage, je suis qu'un jeune issu du home. Port Bruxelles, là où je vais crever, c'est moi la bombe. J'emmènerai tous les bâtards dans la tombe. J'suis dans mon trou à rat, j'suis tout seul dans ma galère. Connard, c'est VL4, ce qu'on a l'arrêt, la manière. Et ça pue le freestyle. Un de plus, c'est ça, n'a pas d'hier. Au studio ou dans le bus, t'inquiète, y'a du savoir-faire.